Chers auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 76e émission d'Oser Jazz à tous les étages, saison 3, émission 28, avec toujours ce générique de Bacchus de Nicolas Gardel et les Headbangers qui introduit l'émission, comme toujours. Une émission qui commence par un clin d'œil et un hommage en même temps. On essaie de coller un petit peu à l'actualité de temps en temps, et ces jours-ci, nous avons appris la mort de Françoise Hardy. Alors vous me direz, Françoise Hardy et le jazz, quel rapport? Et il y a déjà cette chanson qu'on va écouter dans quelques instants qui s'appelle Jazzy Retro Satanas, qui a été un petit succès dans les années 80 et qui avait un joli clin d'œil au monde du jazz, avec son petit rythme très très chaloupé, et puis ses paroles qui faisaient allusion à tout un tas de gens du jazz et de styles de jazz. Et puis, bien sûr, quand on pense à Françoise Hardy, on pense forcément aussi à son fils, Thomas Dutronc, qui a été un jazzman, et qui est toujours un jazzman émérite, qu'on a eu la chance d'accueillir à plusieurs reprises sur Jazz en Touraine. Voilà, c'est une manière aussi de lui dire qu'on pense à lui, et que dans ces moments un petit peu difficiles, certainement pour lui, on est en même temps peiné pour lui et heureux de pouvoir rendre hommage à Françoise Hardy, sa maman, avec ce titre Jazzy Retro Satanas, joli succès écrit notamment par Gabriel Yared pour la musique, et puis bien sûr Françoise Hardy pour les paroles. Elle s'occupait elle-même des paroles avec facilité, toujours. Françoise Hardy, Jazzy Retro Satanas. Une crooneuse à la voix de garage, une poupée allumée au swing, une jazzwoman entre deux âges qui rêve de remonter sur le ring. Un premier prix de vibrato, ex-première page des magazines, qui se déguise en reine du disco. Y'a plus personne, danse, danse. Bebop a fermé sa boutique, usine à swing désaffectée. Bye-bye, piano, pas nostalgique. Tant pis pour les fans à Broadway. J'entends des voix, Hello Sisters. Semblez bien désappointé. Trop tard pour secouer vos shakers. Je veux que le jazz me laisse tomber. Jazz et rétro Satanas. Françoise Hardy, avec ce jazzy rétro satanas qui doit dater de 1982, si ma mémoire est bonne, écrit par Gabriel Yared. Une belle chanson, toute pleine de peps, comme on a rarement l'occasion d'entendre Françoise Hardy, d'ailleurs, qui était plutôt dans la mélancolie, souvent. Voilà, donc un petit hommage à Françoise Hardy, qui nous a quittés cette semaine pour un autre monde, et bon, on l'espère apaisé après des années de lutte difficile contre la maladie. Alors, cette 66e émission de Jazz à tous les étages est principalement consacrée, même entièrement consacrée, à Jazz en Touraine, puisqu'on a eu la programmation qui est tombée récemment. Il va y en avoir deux, même, des émissions, celle-ci et puis la suivante, que j'ai découpée en deux parties. Alors, cette première partie, cette 66e émission, va être consacrée au programme tel qu'il sera sur le Festival Off et sur le Magic Mirrors, parce que pour vous expliquer, Jazz en Touraine, il y a trois lieux principaux. L'espace Ligeria, où ont lieu les gros concerts de la soirée à partir de 21h. Le Magic Mirror, qui est une petite salle dans laquelle il y a concerts à partir de 19h, avec possibilité de déjeuner, de dîner sur place, de prendre un cocktail, etc. Un petit lieu tout à fait sympa, qui fait vraiment club de jazz et qui retrouve un petit peu cet esprit, voilà, club parisien, un petit peu comme ça, où les artistes sont vraiment tout près du public. Hein. Il y a vraiment une communion assez exceptionnelle là-dedans. Et puis, l'après-midi, à partir de 16h30, 17h, sur le village gourmand, un petit peu plus loin, en plein air, il y a une scène avec d'autres musiciens qui apparaissent. Donc, cette scène-là est une scène gratuite, offerte voilà, à tous ceux qui viennent sur le village gourmand pour se restaurer et pour boire. Et puis, le Magic Mirror et l'Espace Ligeria, eux, sont des programmes payants pour les clients. Donc, ce Magic Mirror, donc, on va commencer par le Magic Mirror avec donc à partir du 13 septembre, donc puisque le festival a lieu du 13 au 22 septembre 2024, à partir du 13 septembre, donc le début d'une belle dizaine de jours de concerts, avec notamment le premier soir, donc dans ce Magic Mirror, une violoniste assez exceptionnelle qui s'appelle Aurore Voilke, qui sera accompagnée également de Dejan Grzmovic et son groupe. Donc ils joueront principalement du jazz manouche hein, dans cette formation. Aurore Voilke, elle est peu connue encore du grand public, et pourtant elle a déjà une longue carrière derrière elle. Elle s'est fait connaître, tiens, puisqu'on en parlait tout à l'heure, elle s'est fait connaître au début grâce à Thomas Dutronc, qui l'a lancée un petit peu dans le monde du jazz à partir de 2017, où elle a participé à son album Live is Love et à sa tournée qui a été un triomphe pour Jazz à Vienne, pour Marciac, pour La Baule en Jazz, enfin plein de grands festival, et puis également des clubs, Duc des Lombards, Sunset, Petit Journal Montparnasse. Enfin, ça a été vraiment une grande tournée, après avoir auparavant joué avec également Ludovic Bayer, avec Rhoda Scott, avec Sammy Dossa. Enfin bon, elle a vraiment eu une carrière déjà longue, et que l'on retrouvera donc sur cette première scène du Magic Mirror le 13 septembre. On va écouter un extrait de son album sorti en 2023 qui s'appelait Un soir d'été, où elle était accompagnée notamment d'Angelo Dobar mais aussi de Thomas Dutronc. Le titre que j'ai choisi de vous faire découvrir s'appelle Hopla, c'est donc extrait de ce Un soir d'été, et c'est Aurore Voilke donc qui sera au Magic Mirror le vendredi 13 septembre. Thank you. Qui sera donc le vendredi 13 septembre à Jazz en Touraine, au Magic Mirror à 19h, avec Dejan Krezmanovic, donc, qui l'accompagnait ici, ainsi que Angelo Debar et Thomas Dutronc. Excusez du peu quand même, un beau trio de guitaristes sur cet album qu'elle avait sorti en 2023. Le lendemain, samedi 14, on a sur le Magic Mirror Marion Rampal, chanteuse de jazz, mais pas que. On est entre la chanson et le jazz. Un itinéraire tout à fait singulier, tout à fait particulier. On sent qu'elle ne veut pas choisir entre différents styles. Donc il y a aussi un peu de folk, il y a aussi un peu de blues dans ce qu'elle fait. Alors elle sera là un petit peu de temps, puisque le matin même elle animera une masterclass pour l'école de musique intercommunale de Touraine-Est-Vallée. Donc toujours dans ce Magic Mirror, mais ça sera réservé donc aux élèves de l'école de musique. Ils ont bien de la chance. Et puis à 19h, elle reviendra pour présenter notamment son nouvel album qui s'appelle Oiselle, donc qu'on avait présenté ici en début d'année, et qui est vraiment un très bel album, mis en musique notamment par le guitariste Mathis Pascoe, et dans lequel elle explore justement tout le thème de la liberté de la femme conjuguée avec la liberté des oiseaux, d'où le titre de l'album Oiselle. Et le morceau qu'on va écouter lui-même s'appelle d'ailleurs Oiseau. Il est extrait de ce très bel album entre chansons, folk, jazz, blues, Marion Rampal, donc, que l'on retrouvera le samedi 14 septembre. Pardon. Au champ du merle, et là sous les couleurs du fond, tu devines un tambour qui parle. Selon l'écho qui te ressemble, goûtant les mauvais fruits du soir, tu veux son cou, tu veux tout ce que promet. Thank you. regarde le tour. Ah, le joli, quand moi j'en tombe. Ma plume triche au coin des mots. Sainte d'Assise, qui jamais ne dit mieux que. Marion Rampal qui sera donc le samedi 14 septembre à 19h au Magic Mirror dans ce festival Jazz en Touraine que l'on est déjà impatient de découvrir et puis donc qui animera une masterclass dans la matinée avec les écoles de, avec l'école de musique intercommunale de Touraine-Est-Vallée. On continue sur cette exploration de ce qui se passe au Magic Mirror avec le dimanche. Alors le dimanche, attention, c'est pas la même heure, c'est à 11h30, une sorte de déjeuner brunch que vous pouvez prendre là-bas. Au Magic Mirror, donc, à 11h30, avec là, de la grosse ambiance, puisqu'il y aura Nirek Mokhtar et ses Boogie Messengers. Nirek Mokhtar, c'est un jeune pianiste parisien qui a environ 23 ans et qui maîtrise le piano depuis l'âge de 5 ans à peu près. Le Boogie Woogie, c'est cette musique très joyeuse, très enlevée, issue du blues, mais... complètement accéléré de manière à faire danser les gens dans un style plus que jazz swing, très très enlevé. Donc le Boogie Woogie, il n'est pas vraiment utile de faire des grands discours sur le sujet. Il suffit simplement d'écouter et c'est ce qu'on va faire avec un extrait d'un album enregistré live à Souston en 2023 par Nirek Mokhtar et ça s'appelle tout simplement Boogie Woogie Stomp. Thank you. Et voilà, c'est sans surprise, ça envoie à 200 à l'heure, et il faut avoir quand même des bras en béton armé pour pouvoir soutenir une telle rythmique au piano. Boogie Woogie Stomp, c'était donc Nirek Mokhtar et ses Boogie Messengers qui seront donc au Magic Mirror le dimanche 15 septembre à 11h30. Et vous pouvez déjà affûter vos petits souliers pour danser là-dessus, il va y avoir de l'ambiance. Alors, le lundi... c'est relâche généralement, hein, le lundi 16 septembre, donc ça sera relâche pour que tout le monde puisse reprendre un petit peu son souffle avant le sprint final qui commence dès mardi. Donc dès mardi 17 septembre au Magic Mirror à 19h toujours, il y aura donc Aurélie Tropez. Alors elle n'est pas forcément très connue non plus du grand public, un peu comme Aurélie Wauquiez, mais c'est un peu la manière dont le jazz évolue, c'est en faisant connaître comme ça petit à petit des gens qui ont déjà un peu de carrière derrière eux et qui arrivent un jour à éclater. On espère que ça arrivera bientôt pour elle. Donc elle joue de la clarinette, c'est assez rare dans le monde de la clarinette d'avoir des femmes qui joue de cet instrument, mais croyez-moi, elle le fait très très bien. Elle a déjà partagé la scène avec des gens comme Rhoda Scott, San Severino, Jean-Luc Ponty, John Surnam, Dan Barrett, Marc Laferrière, Maxime Sory, Claude Duterte, enfin bon, vraiment elle a été présente et musicienne pour plein de gens comme ça, avec Evan Christopher aussi, qui lui-même est clarinettiste et un des plus grands clarinettistes de New Orleans, notamment de la scène mondiale. Donc autant dire qu'elle est vraiment là pour durer, et je pense que vous pourrez venir la découvrir, et que là aussi elle fera une belle impression à tout le monde. On va écouter un extrait d'un enregistrement qu'elle a fait récemment et qui s'appelle Did I Do, qui est un grand classique du New Orleans. Did I Do, donc c'est Aurélie Tropez. Aurélie Tropez et son quintet qui seront le mardi 17 septembre à 19h au Magic Mirror pour Jazz en Touraine. Une musique très enlevée, très joyeuse, qui met la bonne humeur, qui donne envie de claquer des doigts. Alors vous l'aurez certainement remarqué, la programmation de ce Magic Mirror est exclusivement féminine cette année. Alors il y aura d'autres artistes, on ne va pas malheureusement tous les passer parce qu'on manque un petit peu de temps. Le lendemain, le mercredi 18 septembre, il y aura Hattie Kate, une chanteuse d'origine australienne, qui viendra apporter son jazz vocal très à la fois très cool mais très mutin, très enlevé, plein de bonne humeur. Donc un rendez-vous à ne pas manquer également. Le jeudi 19, ce sera au tour de Jody Sternberg, elle aussi d'origine australienne, qui viendra chanter notamment pas mal de chansons de Eartha Kitt dans son répertoire ce soir-là. Un petit hommage à la grande chanteuse de jazz et de soul, Eartha Kitt. Donc toujours le jeudi 19 septembre à 19h. Et puis le vendredi 20, l'avant-dernière soirée de Jazz en Touraine, sera l'occasion de découvrir, pour beaucoup d'entre vous, une fantastique chanteuse d'origine haïtienne qui s'appelle Moonlight Benjamin, entourée de grands musiciens, notamment Mathis Pascoe, lui encore à la guitare, qui l'a aidé à arranger un petit peu ce mélange entre blues, vaudou, jazz, funk, soul, musique caribéenne un peu moite, etc. On est dans un univers un petit peu vaudou, doux, un peu sorcier, etc. Un petit peu inquiétant par moments, mais vraiment très prenant, très fort, qui rappelle un petit peu la musique de Dr. John. C'est pas pour rien d'ailleurs que Mathis Pascoe avait participé à l'hommage à Dr. John qu'avait fait Hugh Coltman il y a 2 ans déjà maintenant à Jazz en Touraine. C'est vraiment, on reste dans ces musiques moites de la Nouvelle-Orléans, du côté un petit peu plus sombre de la Nouvelle-Orléans. Moonlight Benjamin, donc, qui en est à son troisième album déjà, et on va en écouter un extrait qui s'appelle « Oh là-haut ». Pour ceux qui tendent bien l'oreille, vous allez voir, on n'est pas loin nous aussi d'un autre groupe qui fait un petit peu dans cet esprit-là, qui s'appelle Delgrès, qui on avait déjà aussi accueilli à Jazz en Touraine. Voici donc « Oh là-haut », Moonlight Benjamin, extrait de son album « Wayo » paru en 2023. Moonlight Benjamin, extrait de cet album Wayo, Olaro. Je vous avais prévenu, hein, ça envoie un peu, c'est bien blues, bien swamp, comme on dit aux États-Unis. On est vraiment dans le marigot de la Nouvelle-Orléans et avec des influences haïtiennes assez fortes, puisque Moonlight Benjamin est originaire de l'île d'Haïti. Le lendemain, donc ça c'était pour le vendredi 20 à 19h au Magic Mirror, et le samedi 20, donc en clôture de ce festival, il y aura donc Sara Lenka à 19h, toujours au Magic Mirror. Sara Lenka, qui est déjà une habituée du festival Jazz en Touraine, parce qu'elle est déjà venue au moins 3 ou 4 fois, en solo ou en groupe, comme l'année dernière, elle était venue avec 3 autres chanteuses. Ici, elle viendra présenter ses dernières chansons, dont elle nous avait présenté quelques-unes déjà l'année dernière, mais il y en a eu de nouvelles depuis, dont celle qu'on va écouter maintenant, Betty, donc une chanson qui parle encore d'une femme. Là, c'est un festival très très féminin qui aura lieu donc notamment au Magic, sur ces scènes du Magic Mirror. La chanson s'appelle donc Betty, elle est en lien avec un EP qu'elle avait déjà sorti l'année dernière, enregistré avec Naïssam Jalal, Awali et Macha Garibian, qu'on retrouve encore ici. Une sorte de chanson sur le destin des femmes, inspirée par le jazz, la soul, le blues. Ça s'appelle donc Betty. Don't be ashamed when you walk through the crowd. Please hold your head up when you're walking down. I found you here when you were never there. Where was I when you were holding me? I'll be damned as you never came. Where were you when I called your name? Please be mine and please. You've never felt shame and you'll be whole. Bahin afti et ad Hashem. Bahin afti et ad Hashem. Bahin afti et ad Hashem. Bahin afti et ad Hashem. If you would tell me your story today, words would you use, what would you say? When will you see we carry your pain? Until the day you'll free us with your words. Far from your past, even decades behind. Never saw your smile, the only place you could hide. You left your home, you left your land. You've hidden your words somewhere far in your heart. Et ta douche, ma semblerait bien qu'il y ait aussi quelques esprits qui se baladent dans cette chanson, comme chez Moonlight Benjamin. Donc Betty, interprétée par Sarah Lenka, qui clôturera donc pour le Magic Mirror ce festival le samedi 21 septembre à 19h. Et puis, je vous l'avais promis, on va aussi parler du festival off, du festival qui se passe sur le village gourmand, mais pas seulement, qui se passe aussi sur 19 communes associées qui participent aussi au festival et sur lequel pas mal d'artistes vont tourner. Alors il y a l'Arcé, il y a la Croix-en-Touraine, il y a Neuilly-le-Lierre, il y a Monet, il y a Nazel-Négron, il y a la Ville aux Dames, il y a Véretz, il y a tout un tas de communes du coin, Montluy-sur-l'Eure bien sûr, Château-Renaud, Saint-Martin-le-Beau, Vouvray, Èvre, de nombreuses communes se sont associées au festival. Il y a Amboise aussi, bien sûr, j'allais oublier la nouveauté de cette année, Amboise qui fait aussi partie de ces communes qui se sont associées au festival. Et qui accueilleront donc quelques concerts gratuits comme ça sur des esplanades diverses et variées. Renseignez-vous. Le petit leaflet du festival est sorti. On le trouve à peu près partout déjà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir ce que vous pourrez aller voir près de chez vous si vous ne pouvez pas venir jusqu'à Montlouis pour le festival. Donc parmi les artistes qu'il y aura, Mélissa Lasny, qui est une chanteuse australienne. Aussi beaucoup d'Australiens cette année dans le festival. Aussi très, très jazz soul aussi qui viendra. Denis Agenais et ses No Lobsters qui eux font plutôt dans le blues rock. Il y aura les String Breakers avec un country blues un peu teinté de folk aussi. Et puis il y aura, qu'on va écouter dans quelques secondes, les Uptown Lovers qui est un duo qui est là aussi fait entre jazz, folk, pop, soul. Et qui en est déjà à son troisième album sorti en 2020. Il y a dans ce groupe notamment ce duo Manon Cluzel et Benjamin Gouillet. Elle chante, lui joue de la guitare et ils sont aussi accompagnés de quelques musiciens qui viendront jouer avec eux pour donner un petit peu de peps à leur folk jazz soul pop, on va dire. On va écouter le morceau qu'on a choisi qui s'appelle Born, qui est extrait de cet album Care sorti en 2023, et vous allez voir, c'est bien plaisant à écouter, les Uptown Lovers. Thank you. Les Uptown Lovers qui seront donc sur le Festival Off le samedi 14 à 19h sur l'esplanade de Maurice Culaz à Mont-Louis et le lendemain, le dimanche 15 à Vernoux-sur-Brenne à 17h30 à la place du Centenaire. Donc voilà, des petits rendez-vous comme ça dans les communes avoisinantes participant à ce festival Jazz en Touraine. Il y aura également parmi les gens qui seront sur plusieurs scènes Sandro Torcello, un saxophoniste originaire de Toulouse et qui viendra jouer. Alors c'est un garçon qui a joué déjà avec pas mal de gens, avec Philippe Léauger, avec Charlie Souris, avec Jean-Michel Charbonnel et aussi avec Nicolas Gardel, l'auteur de notre générique, Bacchus. Donc un garçon qui propose un jazz bien enlevé, très, très intéressant et très ancré dans un style un petit peu post-bop. Lui, il sera sur Mont-Louis à 19h15 le mardi 17 septembre. Donc un rendez-vous à ne pas louper. On va écouter un extrait de son album qui s'appelle Odyssée. Le morceau s'appelle lui-même Odyssée, enregistré au Sunset en 2024. Sandro Torcello enregistré au Sunset Sunnyside, Odyssée donc à retrouver donc sur la scène du Festival Off de Mont-Louis-sur-Loire au mois de septembre. Il y aura également parmi les invités un certain Rix and Wonderland qui est un artiste un petit peu polymorphe. Il est guitariste, il est chanteur, il est clavier, il est compositeur. Enfin, il fait beaucoup de choses. Ses influences vont de George Benson à Prince, en passant par Marvin Gaye. Il y a un côté voilà très soul funky dans sa musique et il devrait mettre une belle ambiance avec son groupe Wonderland dans le festival plusieurs jours notamment sur Mont-Louis et puis également sur Véretz si ma mémoire est bonne. Voilà, sur Mont-Louis il y sera le dimanche 15 à 17h, donc il devrait y avoir une très grosse ambiance. On va écouter un de ses titres extraits de l'album Total Totem, sorti en 2024, qui s'appelle Megamob. Aurait bien donné sur scène sa Rigs and Wonderland, donc ils seront à 17h le dimanche 15 septembre sur le village gourmand de Mont-Louis pour cette célébration un peu funk soul. Là, on vient d'écouter donc leur morceau Megamob, extrait de leur album Totem. Il y aura également Kevin Doublé qui viendra jouer lui le jeudi 19 septembre, toujours sur l'esplanade de Maurice Culaz à Mont-Louis, dans le cadre du off. Donc là, c'est toujours gratuit, en effet. Kevin Doublé, qui s'est un petit peu plongé dans un univers très, très blues, avec des influences comme Sonny Terry, Muddy Waters, Joe Williams. Il aime aussi les grands crooners, comme Nat King Cole, Sinatra, etc. Et ça s'entend dans ce qu'il fait. Là, on va revenir sur un titre qu'il avait sorti en 2022, qui s'appelle Tomorrow is Another Day. Vous allez voir, c'est bien sympa là aussi. Ça invite clairement à claquer des doigts et à se déhancher tout doucement. Kevin Doublé, Tomorrow is Another Day. Tomorrow is another day, and fortune may come your way. A thought of relief to chase away your grief. Tomorrow is another day. The skies above are gray, you know they won't stay that way. A shoulder to cry on, something to rely on. Tomorrow is another day. How sharp the pains that fill your heart, how dark the future seems. Tomorrow is a magic word, it's filled with hopes and dreams. When you're looking through your tears and things seem far away, maybe you're mistaking, a change is in the making. Tomorrow is another day. Kevin Doubley, Tomorrow is Another Day, c'était sorti en 2022, mais il viendra certainement nous le chanter le samedi 21, le jeudi 19, pardon, à Mont-Louis, sur l'esplanade Maurice Culaz à 19h, sur le Festival Off. Et pour terminer cette petite survol, ce petit survol de Mont-Louis côté Magic Mirror et Festival Off sur le Village Gourmand, eh bien, on va se quitter notamment avec le dernier groupe qui apparaîtra notamment le samedi 21 à 17h et le dimanche 22 à Monet à 11h. Eh bien, c'est un groupe qui est radicalement différent puisqu'il mélange jazz et rap d'une très belle manière, avec un musicien leader qui est saxophoniste et un MC, Eda Shkwata, qui lui fait tous les textes. On est vraiment dans une lignée de ce que faisait Steve Coleman dans les années 90, mais également dans ce que faisaient tous les groupes de rap qui est du hip-hop du début des années, fin des années 80, début des années 90, qui mélangeait comme ça des influences totalement jazz avec le flow du rap de rue américain. C'était vraiment passionnant cette époque-là. Donc le groupe s'appelle Ultra Light Blazer. On va se quitter là-dessus en se donnant rendez-vous pour la semaine prochaine, où on aura une deuxième émission spéciale autour du festival Jazz en Touraine, qui lui sera consacré à la programmation dans la grande salle, dans la salle Ligeria. Commencez à regarder un petit peu vos programmes. Vous pouvez déjà acheter les billets, la billetterie est ouverte. Et donc à la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce spécial Jazz en Touraine. En attendant, on se quitte sur les musiques de Ultralight Blazer avec le morceau Don't Get Mad. Dream of bearing the name of words selling short of being hollow. Not gonna hate and it's hollow. No wonder they loud being fallow. They choking the words that reflect pride, a little too large to be swallowed, huh? Ain't doing what they ain't watching while they part with the dollar. Courtside fronting like crazy, trying to holler at the baller. But bright white morals of the elite don't match the blue color of their collar. They ain't running shit. Let's face it, if they run, it's cause they chase it, huh? Ain't that what we already know? They won't catch up. We only tell it like it is. Ain't that why we so certain they would never catch up? Yes, sir. We only tell it like it is. Ain't it that they don't know that they gotta catch up? That's right. We only tell it like it is. Don't that make it so certain they would never catch up? You will be. Don't get mad. We're willing to help because you upside down. You upside down. Look, sir, you backwards and the step behind you upside down. Kick the bad habit or be damned. Can't nobody turn the world on its head. You should know that by now. You backwards or you upside down. You upside down, man, and the stick behind you upside down, upside down, upside down. Don't get mad, fool, you willing, we're willing to help. Yes, sir. Oh, Shanko needed to talk to y'all. Do your thing. Break bread with a will. Tied it with a will. I know you know, I know that ain't what you had in mind when you bet. Handle it. Cause it only gets harder when the vultures come a hunting and you're looking like your male. Listen, despite the greatest efforts of people involved, shit don't change. The world watches as they get up to them dirty tricks again. You know what up, where this dirt dirty ain't dirty. Main pot or kettle, get on the heat, set it out and boil it water, man. Black as the night, those with no standards can't point them out. So that's sorted out, cause most folks talk not knowing what they're talking about. Blunders of all, feeling sharp as attack your face. That you ain't running shit, and basically if you want it's cause you're chasing us. And that's what we already know, you won't catch up. We only tell it like it is, and that what it's so certain you would never catch up. That's right, we only tell it like it is. They say they don't know that they gotta catch up. You will be. We only tell it like it is, gonna make it certain that they would never catch up, fool. Don't get mad, we're willing to help because you upside down. You upside down. Well, look, sure, you back first and instead behind you upside down. Kick the fat habit, don't be damn. Can't nobody turn the world on its head. You should know that by now. You back first, oh, you upside down. You upside down, man, and instead behind you upside down. Upside down, upside down. Don't get mad, fool, you were the one willing to help. That's right, you will be. Bush it. This is the groove part, the groovy part. Yeah, I get caught up in my own tongue like that, cause I gotta go quickly. I mean, there's a lot to say. You go, done. That's the basis right there. We had to start with the law register so you can sit on it. Y'all feel me? Let's make it funky, babe. Check it out. This is how it goes. Without a care in the world, sir. Had to let it show, so I'm flipping the bird, sir. Time to live a life by letting it occur, sir. Undeterred and unconcerned by the world burning, you lit the match, we burn. So, no, we have no opinion, we like to watch the world go dumb. Our kind of entertainment is a particular way of having fun. Catch us on the balcony, watching concertos that ain't in tune. Our feet firming the ground, laughing at the world, crying with the moon. It's an eclipse of the world, size and despair. Give it a can and watch it smile with contentment. Envy an eagle with a pad. Make you want to bring the hippies back to town. Preaching on my stage for the fake, desperate for ideologies to defend. While penguins relentlessly seek the counsels of perfection, we all swimming. Crocodile tears, we find ourselves immersed in. I say chill out. Nobody heard me, so I watch you work it out. Funny, funny world. Yeah, baby. Take it away, take it. Yeah, let's ride this thing. Come on. Grab a leg and do your thing. But I'm taking a rest for y'all. You will be. Please, gate. Please heed.